Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, plus qu'une semaine à attendre, ou plus qu'un jour, plus qu'une heure, plus qu'une minute avant d'entendre Laure Barillas vous parler de Jean Kélévitch. C'est parce que le temps ne passe pas toujours à la même vitesse, que tantôt il s'étire et que tantôt il galope, que nous oscillons entre ennui et impatience, et que même lorsque nous voudrions arrêter le temps, nous attendons. Redouter de mourir, c'est encore attendre. Mais l'attente a du bon quand elle accroît notre attention. Le temps est naturellement ambigu. Et la position de l'homme par rapport au temps est également ambiguë. Le temps, par exemple, est long à passer et vite passé. Les deux ensemble. Long à passer, pour beaucoup de gens, quand on s'ennuie, quand on travaille, quand on fait effort. Et finalement, vite passé. Comment des jours si longs fabriquent-ils des années si courtes? Ou comment des années si longues fabriquent-elles une vie si courte? Oh, well, I'm sitting here la-la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la-la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, oh, baby, hurry, don't make me worry. Oh, you know that I love you, oh, how I love you, oh, oh. I'm sitting in la la waiting for my ya-ya, oh. I'm sitting in la la waiting for my ya-ya, oh. It may sound funny, but I don't believe she's coming, oh. Bonjour Laure Barillas. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. La dernière fois que je vous ai reçue, vous étiez doctorante et aujourd'hui vous êtes docteur. Oui. Alors félicitations. Merci beaucoup. Et Jean Kélévitch faisait partie de votre sujet de recherche, n'est-ce Absolument. Pas, dans votre thèse. On vient de l'entendre affirmer, s'étonner, hein, comment ça se fait que des jours si longs fabriquent des années si courtes et comment ça se fait que des années si longues fabriquent une vie si courte. Mmh. C'est toute l'ambivalence de notre rapport au temps qui est cristallisée dans le concept de l'attente. Oui, absolument. Et puis c'est aussi tout l'esprit de la philosophie de Jean Kélévitch qui est toujours dans ce paradoxe, dans cette oscillation, tenir d'un côté l'attente comme un rapport au temps vital et en même temps l'attente comme quelque chose d'un peu morbide. On attend que le temps passe, on est du côté de l'ennui, de la nostalgie, de la mort. Et en même temps, l'attente, c'est aussi le temps vécu par la conscience, tout simplement. Tout simplement, même si c'est assez compliqué à expliquer, mais vous êtes là pour ça, Laure Barillas. Alors, vous avez co-présenté un texte de Jean Kélévitch qui s'appelle « L'aventure, l'ennui, le sérieux ». Et vous êtes l'auteur de la préface du Pardon. Oui. Un texte de Jean Kélévitch qui paraîtra en Flammarion en janvier prochain. J'espère que vous reviendrez en reparler. Le pardon est un thème magnifique. Alors, disons-le tout de suite, l'attente chez Jean Kélévitch ne fait pas l'objet d'un livre ou d'un sujet de recherche en soi, mais elle traverse toute son œuvre. On la trouve tant dans la dimension morale, il en parle quand il évoque la musique, quand il évoque l'amour et bien sûr quand il évoque la mort. En fait, c'était une bonne façon d'entrer dans son œuvre. C'est une excellente façon d'entrer dans son œuvre et je suis très heureuse que vous m'ayez invité à y penser parce qu'en fait, c'est pas un thème auquel j'avais réfléchi immédiatement et c'est effectivement un thème de réflexion qui a à la fois une dimension morale, métaphysique, vitale et qui est présent dans toute son œuvre. Donc je pense que c'est absolument un point d'entrée magnifique. Alors, l'attente, qu'attend-on ? Alors, c'est la grande question. Alors, je pense que pour Jean Kélévitch, d'abord, on s'attend soi-même, en fait. C'est que une des définitions qu'il donne de l'attente, c'est de dire qu'en fait, le temps est une façon, avec toujours son ironie, le temps est une façon relativement positive de se compléter dans le devenir. Et donc, en fait, le temps qui est conçu comme un devenir, c'est en fait la tension vers soi-même, vers l'ipséité, qui est un concept très important chez Jean Kélévitch. L'ipséité, en fait, c'est ce qu'on est irrémédiablement, irréductiblement soi-même, en fait. Et donc, c'est vraiment par l'intermédiaire du temps et donc de l'attente, de ce rapport au temps qui est passionné, qui peut être passionné, aventureux ou en même temps ennuyeux ou sérieux, finalement, que le sujet devient lui-même, qu'il se construit en fait dans ce rapport au temps. C'est-à-dire que on n'est pas dans une temporalité qui est simplement orientée vers la mort, où le temps serait simplement une soustraction, chaque instant serait une soustraction vers cet instant final. Mais non, en fait, l'attente, le temps de la vie, c'est aussi l'attention vers soi. en fait. C'est la même racine d'ailleurs, attente et attention. Absolument, exactement. Et donc en fait, il y a l'idée d'un côté que l'attente peut être effectivement quelque chose d'un peu passif, qui précède l'action, mais aussi finalement, au contraire, l'action qui nous permet de nous rejoindre en fait, ou d'aller plutôt vers soi-même. Mais ça c'est paradoxal parce que aller vers soi-même implique que soi-même existe déjà ou qu'il y a quelque chose comme un soi qui est donné. Or Jean Kelevitch est vraiment le penseur de la transformation permanente. Ouais, tout à fait. Non, vraiment, c'est absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est pas du tout se rejoindre, c'est-à-dire c'est pas un temps en fait qui est polarisé vers une entité, vers une identité, mais c'est au contraire un temps dans lequel en fait on peut se construire, dans lequel en fait c'est un temps qui est ce que Jean Kelevitch appelle demi-ouvert, entre-ouvert. En fait, c'est que le temps tel qu'il existe pour une conscience, pour ce qu'il appelle l'ipséité vivante, c'est-à-dire nous, des humains, en fait, c'est un temps qui est à la fois marqué par la certitude initiale de la mort et par l'incertitude fondamentale de la date de la mort. Et en fait, cette demi-ouverture, effectivement, c'est un temps qui est fermé puisque la mort va venir lui donner un terme, mais c'est aussi un temps qui est ouvert puisqu'on ne sait pas quand il va s'interrompre. Et donc, en fait, cette demi-ouverture fait que, justement, il y a quelque chose à attendre. Finalement, c'est ça qui crée, en fait, l'attente. Parce que le temps est à la fois fini, mais en même temps tout à fait ouvert à toutes les possibilités du devenir. C'est ce qui fait qu'il y a quelque chose à attendre, et effectivement vers soi-même en général. Difficile de parler du temps sans parler de la mort, et quand on aborde le sujet de la mort, se distinguent plusieurs familles de philosophes. Mmh. Et quand vous parlez de cette façon que nous avons de nous comporter face à la mort chez Jean Kelevitch, il est difficile de ne pas penser à Heidegger, par exemple, qui définit l'homme comme étant cet être pour la mort. Ouais. Or, peu de gens se détestaient autant que Heidegger et Jean Kelevitch, et peu de gens pensent finalement l'homme différemment. Alors quelle est la différence? C'est irréconciliable en fait. C'est vraiment, en fait, pour Jean Kelevitch, on est plutôt un être pour la vie qu'un être pour la mort en fait. Évidemment, la mort est une inquiétude fondamentale. C'est un thème qui est extrêmement présent dans son œuvre, mais qui est pas pensé comme une destination finale en fait de l'existence. C'est-à-dire qu'en fait, l'existant n'est pas un être pour la mort. La mort, effectivement, est bien une considération métaphysique et morale fondamentale, mais qui n'est pas la destination, en fait. Parce que pour Jean Kelevitch, on a deux concepts, comme toujours, en fait. Quand il y a un concept, il y en a toujours un autre qui vient le préciser, le nier, le modaliser. Il y a à la fois le destin. Donc ça, c'est effectivement la dimension destinale de l'existence. On va mourir, c'est certain. Mmh. Mais il y a aussi à côté, et toujours en parallèle, et toujours dans un mouvement d'oscillation, la destinée. Et cette destinée, c'est l'ouverture du temps, en fait. C'est justement la possibilité de la liberté, la possibilité de l'action, qui, effectivement, est en permanence contrariée par le destin, mais qui est aussi en permanence toujours possible. Donc, en fait, dans une temporalité qui serait celle purement heideggerienne de l'être pour la mort, évidemment, il n'y a pas de destinée, en fait. Alors que pour Jean Kelevitch, il y a ce destin et cette destinée. Il y a cette possibilité en permanence que l'attente nous mène... De faire quelque chose avant de mourir, en fait. Exactement, en fait. C'est ça, d'avoir une vie avant de mourir. Nous ne sommes pas placés au milieu d'une durée indéfinie, plongés dans un temps inorganique et informe dont le terme serait situé à perte de vue. Non, le temps de la vie n'est pas ce temps amorphe. Le temps de la vie est un temps limité, auquel sa finitude même prête une organisation, une détermination, une succession de moments. Le temps de la vie s'articule en laps de temps. Et de même que les périodes enchaînées et les épisodes successifs se limitent l'un l'autre dans le grand temps de la vie, de même, ce grand temps, à son tour, ce temps de tous les temps, resserré entre naissance et mort, apparaît comme un épisode dans l'éternité du néant. Les deux néants qui l'étreignent, le néant d'avant le commencement et le néant d'après la fin, font du grand temps une durée vertébrée, charpentée, structurée, où à l'infini s'articulent entre eux les petits temps segmentaires. Comme la silhouette actuelle de la personne est une sorte d'enclos découpé dans l'infini de l'espace, ainsi la vie personnelle est une carrière de quelques décennies circonscrites dans l'océan de l'éternité sans bornes. La finitude est ce qui donne une valeur au temps nu, c'est-à-dire la chose du monde la plus impalpable et la plus neutre à la vile durée. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez Jean Kélévitch vous parler de la mort, c'est-à-dire de la vie, et de ce qu'il nomme la finitude, en compagnie de la philosophe Laure Barrias, pour le premier temps de notre série sur l'attente. Dire que la finitude est ce qui donne une valeur au temps nu, c'est dire, Laure Barrias, qu'en fait la vie ne vaut d'être vécue que parce que nous allons mourir. Oui, en fait, c'est dire les deux, c'est qu'effectivement, la vie ne vaut la peine d'être vécue parce qu'on va mourir, c'est ce qui donne en fait toute sa valeur au temps, mais ça veut aussi dire finalement que, enfin pour Jean Kélévitch, que la mort ne donne pas un sens rétrospectif à la vie. C'est à nous de le donner. Exactement, et c'est en fait en ça que l'attente est un thème qui est très important, c'est que l'attente finalement tient ensemble ces deux dimensions, à la fois d'un temps qui nous est compté, et en même temps dans un temps dans lequel tout est possible en fait. Et dans l'extrait très beau que vous venez de lire, en fait, ce qu'on entend aussi, c'est que finalement, attendre, finalement, c'est tout simplement vivre dans la durée, c'est vivre dans l'intervalle. Si on vivait simplement une vie d'instant, on n'attendrait jamais rien, en fait. Une vie qui serait simplement une succession d'instants serait un perpétuel recommencement ponctuel. Il n'y aurait pas d'attente, en fait. Et finalement, l'attente, c'est ce qui tient ensemble les moments du temps, c'est ce qui donne un sens à notre temporalité. Et en fait, si on y réfléchit, c'est quand même très proche, en fait, de ce qu'est la conscience, en fait. Entre la conscience et l'attente, il y a quand même une relation qui... C'est-à-dire que la conscience, c'est ce qui relie les segments de vie entre eux ? Oui, en fait, c'est ça, de la même façon, de manière un peu parallèle au temps, en fait. C'est là aussi qu'on sent l'héritage très bergsonien de Jean Kélévitch, en fait. C'est que parce que la durée a un sens, parce que notre existence est faite de durée, de morceaux de durée, je crois que c'est de blocs de durée dans le texte que vous avez lu, c'est justement ça qui, en fait, donne son sens au temps. C'est que notre existence, elle tient ensemble les moments du temps dans l'attente, en fait, et par la conscience. Par exemple, on peut penser à la fonte du morceau de sucre dans l'évolution créatrice de Bergson, en fait, où il explique que finalement, quand le morceau de sucre fond, c'est comme ça qu'il essaie de rendre sensible la durée. C'est le temps subjectif, en fait. C'est le temps qui est vécu c'est-à-dire pour la conscience. C'est-à-dire que si on remplace le verre d'eau par le café, parce que ça arrive plus souvent qu'on mette du sucre dans un café que dans un verre d'eau. Effectivement. Je prends un café, je désire boire mon café sucré, je mets un morceau de sucre, je ne peux rien faire pour accélérer la fonte du sucre. Non. Et cette durée incompressible, c'est précisément ce que Bergson appelle la durée. Oui. Et c'est très important parce que c'est ainsi qu'il distingue le temps de la durée. Absolument. La durée, c'est la manière subjective que j'ai de vivre le temps. Mm-hmm. C'est pas le temps des horloges, on peut le dire comme ça. Non, pas du tout. Oui, tout à fait. Il y a d'un côté, effectivement, le temps des horloges, le temps physique spatialisé, et de l'autre côté, il y a la durée qui est le temps vécu par la conscience, en fait. Et finalement, d'une certaine façon, la durée, ça rejoint aussi l'attente. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important dans la reprise de Jean Kélévitch de ce thème bergsonien de la durée, qui d'ailleurs, de manière assez intéressante, est très peu présent en tant que tel. C'est-à-dire que Jean Kélévitch est bien le grand héritier de Bergson, mais en même temps, la durée apparaît très peu et très peu thématisé en tant que tel dans son œuvre. Apparaît plutôt l'intervalle, c'est aussi une philosophie de l'instant, mais je pense qu'aussi l'attente peut être une des dimensions de cette durée bergsonienne et qui est reprise, comme toujours chez Jean Kélévitch, dans une tension entre d'un côté un optimisme bergsonien, puisque c'est le temps où on se construit soi-même, où tout est possible, et en même temps le temps de la mort, le temps de l'ennui, un temps effectivement qui est amorphe et informe. On doit à Jean Kélévitch un magnifique ouvrage sur Henri Bergson, qui est le premier livre qu'il publie d'ailleurs, je crois, dans lequel on lit ceci « Devenir n'est pas mourir à petit feu ou se morfondre en faisant des mots croisés dans l'attente de la fin, mais se réaliser à l'infini. » Oui, c'est très beau. Et en fait, ce que Jean Kélévitch reconnaît à Bergson, c'est justement la réintroduction de l'optimisme en philosophie. Alors ça, c'est important. Ouais. L'optimisme ou même l'espoir. Parce qu'en fait, ce que vous dites sur la possibilité d'investir l'attente de manière positive ne serait pas pensable sans ce terme très important pour Jean Kélévitch. Alors, soit celui d'optimisme pour Bergson, qui est l'espoir. Il faut bien croire que quelque chose est possible pour que l'attente puisse être vécue de manière positive. Tout à fait. Et en fait, c'est un thème qui est très sérieux chez Jean Kélévitch, parce qu'en fait, il va même lui donner une dimension métaphysique en disant qu'en fait, le sens du présent, c'est le futur. Le sens concret, empirique, c'est comme ça qu'il le dit, du présent, c'est le futur. Et donc en fait, tout est là. Si le sens de notre présent, c'est pas simplement ce qu'il est, c'est-à-dire une fermeture, une clôture, mais au contraire, une ouverture vers ce qu'il appelle donc la futurition, c'est-à-dire le futur en train d'advenir, alors en fait, tout est encore possible. Le présent n'est pas simplement la fatalité de ce qui nous arrive, de notre destin qui serait clos, mais c'est au contraire un temps qui est polarisé vers le futur, vers la futurition, et donc un temps dans lequel tout demeure possible. Mais ça veut dire qu'on est toujours à côté de son présent, si on pense tout de suite toujours à la suite. Alors, je sais pas si on est toujours à côté de son présent. Je pense qu'on est peut-être plus dans le présent, justement, quand on inscrit ce présent dans la continuité, justement, d'une attente. Je pense que si on était dans un présent qui ne serait qu'un présent d'instant, Alors, on manquerait forcément quelque chose dans ce présent, parce que justement, il manquerait l'unité, en fait, de ce temps qui ne nous appartiendrait pas. Finalement, l'attente, je pense comme ça, c'est un peu s'approprier le temps, en fait. Un temps qui nous est donné, qui nous est imparti, dont on ignore effectivement la durée précise. Mais par l'attente, en fait, on se l'approprie. Alors, c'est un terme qui est pas très, qui est plutôt sartrien plutôt que celui de Jean Kelevitch, mais en fait, l'attente, c'est toujours avoir un projet, en fait. C'est considérer que la temporalité est pas simplement une succession d'instants, mais au contraire, un projet perpétuel vers le perpétuel, un projet, enfin la possibilité toujours maintenue d'avoir un projet dans le futur. Mais que fait Jean Kelevitch du revers de l'espoir et de l'optimisme, que serait l'angoisse, parce qu'on peut aussi parfois l'attente est terrifiante, l'attente de résultats médicaux, ouais, l'attente tout à fait. De catastrophe. Ouais, Jean Kelevitch lui prend comme toujours en fait l'exemple de l'amour, quand on déclare son amour à quelqu'un et qu'on attend, on est suspendu à ses lèvres, on attend. Voilà, là c'est effectivement une attente qui est extrêmement douloureuse. Il prend l'exemple aussi du jury quand un étudiant, un candidat attend le résultat d'un concours, c'est une attente qui est absolument insoutenable. Donc effectivement, l'attente n'est pas du tout simplement quelque chose de très positif dans lequel il y a une création de soi. Effectivement, c'est aussi ça, c'est aussi une tension vers soi, mais c'est aussi de manière tout à fait parallèle et irrémédiable un temps qu'on subit en fait, un temps qu'on ne peut pas tout à fait s'approprier, un temps qui nous résiste en fait. Donc c'est toujours ça, la dimension du destin d'un côté et de la destinée de l'autre, de ce qui est possible et en même temps de ce qui nous est imposé. La répétition, elle ne fait que rendre plus sensible le vide du temps, en réalité. Oui. Elle ne meuble pas la temporalité. Elle la farcit avec des tâches toujours les mêmes. La monotonie est une espèce de vide. Et on ne peut pas économiser son temps et par conséquent faciliter les tâches en les rendant plus rapides sans en payer la rançon. Toute chose se paye, tout avantage se paye, et en l'espèce, l'homme se trouve investi d'un temps qui est supplémentaire, dont on lui fait cadeau, parce que les tâches sont plus rapides, on fait tout plus rapidement, tout fait plus vite, et par conséquent, on récupère du temps dont on ne sait que faire, dont l'homme ne sait que faire, et qu'il meuble avec des parties de cartes, en jouant au loto ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Avec des passe-temps, avec des manières de tuer le temps, comme si le temps pouvait être tué. Les passe-temps stupides, par exemple les parties de cartes ou la lecture des romans policiers, les occupations de l'homme désœuvré, n'ont aucun rapport avec la fin. Il s'agit seulement d'escamoter le temps ou de le rendre insensible. Et comme on ne peut avaler l'intervalle, ni le gober d'un seul coup, on égrène furtivement les minutes. Aussi n'y a-t-il pas d'attente vraie sans une attention naissante, ou du moins sans une tension minimale. Même l'attente insipide des salles d'attente, même la pure expectation qui attend que la douleur passe, que le sucre fonde, que le sablier se vide, que l'aiguille est tournée d'un certain angle, même la vie d'attente qui attend la consommation de l'intervalle sans intérêt ou l'épuisement au compte-goutte des minutes incompressibles, même cette attente-là, endurant la durée, effeuillant le calendrier, implique encore le tonus de l'impatience et la sympathie. La période vide d'événements qui s'intercale entre présent et futur retarde un avenir passionnément espéré. Bien sûr, l'inverse du passe-temps pour Jean Kelevitch, c'est la musique. On y viendra, leur barrière, c'est vraiment celle qui, au contraire, nous fait saisir l'existence dans son essence même. Mais la musique ici répétitive, comme celle du boléro de Ravel, qu'adorait Jean Kelevitch, qu'il jouait lui-même au piano, nous indique quelque chose, parce que cette répétition du rythme et de la mélodie est entre les deux. On est à la fois, effectivement, dans la musique et dans la création de quelque chose, et en même temps, dans une répétition qui, parce qu'elle s'entête, peut correspondre au passe-temps qu'il décrit qui est stupide, parce qu'en fait le temps, il ne se passe jamais. La répétition nous éloigne illusoirement du temps. En réalité, mm-hmm. il ne fait que nous rendre encore moins spectateurs de ce qui passe et donc moins attentifs. Mm-hmm. Oui, effectivement, et le temps passe encore plus lentement dans ces cas-là. Et en fait, encore une fois, chez Jean Kelevitch, on a cette dualité. À la fois, effectivement, la répétition peut avoir quelque chose de tout à fait stérile, qui fait le temps encore plus long. Mais d'un autre côté, la répétition, le recommencement, c'est aussi se réapproprier le temps, c'est aussi reprendre. C'est un thème qui est très très important dans sa philosophie morale. Dans un des impératifs fondamentaux de sa philosophie morale, c'est de dire que le bien n'est jamais fait, il est toujours à refaire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas accéder en fait dans l'action morale à une permanence qui permettrait en fait de se dire une fois que le bien est fait, c'est terminé, il n'y a plus à faire. En réalité, dans l'action morale, il faut toujours la reprendre, il faut en permanence la ressaisir. Et donc là, on a aussi cette répétition en quelque sorte, qui serait plutôt une reprise. Cette reprise qui là, pour le coup, est plutôt du côté du temps vital et pas du côté du temps morbide. Donc encore une fois, on tient ces deux, la répétition qui fait le temps long et en même temps la reprise qui, au contraire, rend l'existence morale. Ce qui fait une pensée une grande exigence. Absolument. Parce que cette attention à laquelle il en appelle demande de ne jamais s'assoupir dans les mots croisés, comme il dit, dans les passe-temps, d'être sans arrêt sur le qui-vive pour se créer soi-même et pour toujours moralement recommencer l'acte qui n'est jamais définitivement bon. Absolument, oui. C'est ce qui en fait une morale hyperbolique. Hein. C'est effectivement une philosophie qui est extrêmement exigeante qui ne laisse passer aucune des facilités, aucune des hypocrisies. Hein. Le traité des vertus, c'est vraiment ça. Hein. C'est traquer toutes les hypocrisies aussi de la morale. Donc effectivement, oui, c'est bien ça. Et la suite du texte que l'on vient d'entendre, Jean Kelevitch écrit, c'est pourquoi l'attente devient si facilement une attitude normative et religieuse. L'exilé qui attend le retour dans sa patrie, le croyant qui attend la mort, vivent un drame plein de sens et de dignité. Mieux encore, et là ça va nous parler en ce 17 décembre, les fêtes et anniversaires jalonnant ce drame subdivisent et fractionnent l'attente eschatologique du grand jour de la fin des temps en petites attentes segmentaires. L'attente du jour férié illumine par une sorte de rayonnement rétroactif la vigile qui le précède et l'avant tout entier qui le prépare. Et enfin, les commémorations intermédiaires, diversifiant la durée en laps de durée, inégalisent l'histoire et raccourcissent notre attente. Mmh. Ouais. Bah là, on voit bien aussi l'art de Jean Kelevitch de mêler à la fois des considérations très triviales, très quotidiennes, comme les jours fériés, et en même temps, effectivement, des considérations métaphysiques, comme l'eschatologie, l'attente du jour dernier. Et effectivement, c'est bien toute sa pensée, en fait, qui est là d'un certain côté. C'est à la fois une très grande exigence métaphysique et en même temps enracinée dans vraiment une pensée vraiment à même l'existence, en fait. Et c'est bien ça, effectivement, un temps qui serait une pure durée qui ne serait pour le coup pas fractionnée, ce serait soit un instant en fait, ce serait un instant qui serait tout à fait ponctuel, ou alors ce serait un temps, le temps de l'ennui, ce qui revient d'ailleurs un petit peu au même en fait, un temps qui ne passe pas. Pour faire passer le temps, il faut l'animer, il faut l'aventure, il faut la liberté, il faut en fait aussi des scansions dans le temps. Parce qu'effectivement, il y a l'attente effectivement de la fin de la vie, mais il y a aussi l'attente qui scande la vie de tous les jours en fait. Pour donner un sens à ce temps qui nous est donné. C'est ça, en fait, la répétition quotidienne et les fêtes, l'avant, le calendrier de l'avant, etc. C'est une manière de rendre habitable le temps qui nous est imparti. Oui, tout à fait. C'est une manière, effectivement, de se repérer dans ce temps qui nous est donné, qui est effectivement tout à fait... C'est quelque chose que Jean Kelevitch répète souvent, hein, qui est un temps qui est informe et amorphe, effectivement. C'est à la fois le temps du devenir et en même temps le temps morbide. Donc, c'est un temps, finalement, qui est moralement neutre et c'est un temps qui nous appartient à nous, auquel il nous appartient à nous de donner un sens en fait. Et l'attente, c'est bien ça, c'est donner du sens à un temps qui nous est donné. Oui, mais le revers de l'attente, c'est le fait de redouter. Là, ce que je viens de lire, c'est pourquoi l'attente devient si facilement une attitude normative et religieuse. L'exilé qui attend le retour dans sa patrie, le croyant qui attend la mort, vit un drame plein de sens et de dignité. C'est comme si, en fait, il faut entendre attente au sens fort. Y a-t-il une attente de la fin, une attente de la mort. Alors, je ne dis pas qu'elle est souhaitée. Mais le fait de la redouter autant, il y a aussi peut-être une curiosité ou quelque chose qui fait que l'on attend vraiment cette fin. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça, c'est difficile à admettre. Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est aussi très présent dans sa philosophie, effectivement. C'est une philosophie qui est très consciente de la fin de la vie, de la mort. C'est pas du tout une philosophie qui serait simplement du côté de la joie et de l'optimisme. C'est vraiment, il y a une inquiétude fondamentale, en fait, qui est liée justement à ce revers, en fait, de la demi-ouverture de l'existence, qui fait que d'un côté, on n'a pas la date de la mort, on n'est pas des condamnés à mort, mais en même temps, on l'est quand même in fine. On ne sait pas quand on va mourir, mais on sait qu'on va mourir. On connaît le quad et pas le quid. C'est ce que dit Jean Kelevitch. On connaît le fait de la mort, mais on ne connaît pas le quid, c'est-à-dire le moment, les modalités. Et donc, c'est cette absence de quid qui nous fait vivre, en fait. Sans ça, effectivement, on serait simplement dans la position du condamné à mort. Et c'est un exemple que Jean Kelevitch reprend très souvent, l'exemple du condamné à mort. On ne peut pas vivre notre existence comme un condamné à mort. C'est aussi une des raisons pour laquelle il est tout à fait opposé à la peine de mort. D'ailleurs, on parlera du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo cette semaine dans cette série sur l'attente. Alors, le revers, vous le dites, de l'attente qui est tendue, comme dirait Bergson, vers l'élan vital. C'est l'attention à la vie, en fait. Voilà. Mm-hmm. Et donc, ça explique l'importance accordée à une forme de spontanéité, aux rencontres, à ce que Jean Kelevitch appelle le kairos, le moment opportun, qui fait que l'on habite son existence en étant attentif à ces petits riens, dirait-il, qui peuvent devenir de véritables événements. Écoutez-le parler de la rencontre amoureuse, c'était en 1972. L'amour, tout le monde l'apprend en un instant, n'est-ce pas ? Par le croisement des regards. Dans le croisement des regards, dans un serrement de main, dans une rencontre, au coin de la rue, n'est-ce pas ? Un homme qui s'en croyait pas capable, tout d'un coup le voilà bouleversé, transformé, il a rencontré quelqu'un en sortant du métro d'enfer, n'est-ce pas ? Il a rencontré quelqu'un. Ici, il n'y a pas d'apprentissage, ce qu'implique le mot, le verbe même, c'est prendre, n'est-ce pas, qui implique la soudaineté, la vertu de l'instant, la fulguration, le coup de foudre, n'est-ce pas, enfin l'étincelle tout au moins, sinon l'éclair. L'étincelle, laquelle s'allume en s'éteignant d'ailleurs, apparaît en disparaissant. Il n'y a pas d'apprentissage, c'est un événement, c'est une chose qui arrive. C'est arrivé au coin de la rue, donc c'est de l'ordre de l'événement. Une conjoncture occasionnelle, qui exclut par conséquent tout devenir graduel, tout perfectionnement, tout progrès, et je suis parfait du jour au lendemain, n'est-ce pas ? L'amant est parfait du jour même où il est devenu amoureux. L'amant est parfait du jour même où il est devenu amoureux, si seulement c'était vrai, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Il faut dire que chez Jean Kelevitch, l'amour est vraiment source de toutes les vertus. Oui. C'est pas une coquetterie pour lui de parler de l'amour, il le met vraiment au centre de sa philosophie morale. Ben oui, oui, absolument. C'est même en fait l'attitude morale par excellence, en fait, l'amour. C'est une philosophie de l'amour, c'est une philosophie qui prend métaphysiquement au sérieux l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, Jean Kelevitch dit qu'il faut faire tenir le minimum d'être dans le maximum d'amour possible. C'est-à-dire qu'en fait, le but de la morale, en fait, c'est pas d'arriver à de l'être, c'est-à-dire par exemple à des vertus qui seraient constituées, qui seraient figées, qui seraient des états, mais au contraire aller vers l'amour qui est donc un mouvement vers l'autre, qui est un recommencement perpétuel parce qu'on commence à aimer, on arrête d'aimer et puis on retombe amoureux ensuite. C'est l'idée en fait vraiment d'un devenir en fait l'amour aussi qui est contraire en fait à l'être tout simplement. Et donc il y a vraiment une opposition très fondamentale entre l'amour et l'être. Et parce que l'être est du côté du... Oui, de la figé. Exactement, l'être est du côté de la clôture, de ce qui est figé, absolument, de ce qui est statique, de ce qui ne bouge pas, et de ce qui aussi reçoit un sens a priori. L'être, il est déjà là, en fait. Alors que l'amour, au contraire, il est toujours à venir, il est toujours à reconstruire, il est toujours à recommencer, il est toujours à trouver, donc là, à la sortie du métro, C'est en fait la même idée de la destinée, en fait. C'est cette futurition qui est toujours possible et qui ouvre l'existence, en fait, qui est à demi fermée par la mort. Mais en quel sens est-ce que l'amour, qui nous fait vivre des moments d'attente très particuliers, dont on se souvient que Jean Kelevitch décrit à merveille, l'attente du retour de l'être aimé, l'attente du train qui va l'emmener en Normandie pour retrouver l'être aimé, etc., peut-il donner lieu à une forme de morale ? Parce que... A priori, l'amour est complètement étranger à la morale. Alors oui, en fait, il utilise. Enfin, l'idée, c'est que c'est pas forcément l'amour au sens de l'amour amoureux, même si effectivement ça peut être le cas. C'est vraiment l'amour comme l'élan vers l'autre, comme un mouvement en fait de relation permanent à autrui. C'est-à-dire que si on était dans des relations purement d'être avec les autres, on serait en fait dans une coexistence où il n'y a pas de relation possible en fait. Si on se contentait d'être les uns à côté des autres, bah finalement on pourrait jamais s'aimer. Alors que dans l'amour justement, l'idée c'est que c'est la relation qui fait le lien en fait avec l'autre, qui est un mouvement perpétuel. Alors qu'effectivement l'être, finalement le temps n'a aucune importance pour l'être. L'être il est figé, il est indépendant en fait d'une certaine façon du temps. Alors que l'amour est par définition absolument entièrement dépendant du temps. Le temps de l'attente insoutenable, d'une réponse, du retour de l'être aimé, effectivement, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte, effectivement, du temps de ce que c'est que le temps, en fait. Même c'est dans ces moments-là que le temps devient sensible. En fait, dans la joie, quand tout va bien, finalement, on sent pas le temps passer. C'est véritablement quand quelque chose ne va pas, quand on attend, quand il y a la douleur de l'absence de celui ou de celle qu'on aime, que le temps devient une réalité à part entière, que le temps, en fait, devient se sépare de mon existence, devient quelque chose, une réalité que je peux saisir indépendamment de moi-même. En fait, ce qui intéresse Jankélévitch, c'est la manière dont ces idées que sont l'être, le temps, sont reçues et vécues par chaque personne qui essaye de les nommer. Bien sûr. Et oui, pourtant, il fait vraiment ce qu'on appelle de la philosophie première, c'est-à-dire qu'il emploie le terme de temps, d'être, etc. Et alors, il essaie de les définir en je ne sais quoi, presque rien. Il emploie toujours des métaphores et des périphrases pour définir ce qu'il n'arrive pas à définir. Mais encore une fois, il se situe entre les deux. Précisément parce que c'est pour lui la meilleure façon d'accéder au geste philosophique. Là. Absolument, et même à la réalité tout à fait concrète. En fait, c'est justement l'idée que la réalité n'est jamais tout à fait, elle est jamais du côté de l'être pleinement. En fait, ce serait très facile. On n'aurait presque pas besoin de philosophie. En fait, s'il y avait simplement de l'être, il suffirait en fait, d'avoir une description de ce qui est. Alors qu'en réalité, justement, le réel, la vie concrète, elle est toujours du côté du devenir, du changement. Et donc c'est pour ça en fait que la philosophie peut pas s'immobiliser en concept. C'est pour ça que le presque rien, le je ne sais quoi, c'est des concepts. Enfin, c'est à peine des concepts. Hein. C'est pas vraiment des concepts. C'est des choses qui tiennent lieu de concepts pour essayer de dire, de décrire des choses qui sont en permanence changeante, mouvante. Donc effectivement, c'est une philosophie qui est vraiment à même le changement, le devenir dans l'existence. Alors pour essayer encore de préciser cette pensée de Jankélévitch, justement qu'il hérite de Bergson, on va le distinguer d'un autre philosophe qui, dans le texte que vous allez entendre, lui aussi reprend la distinction entre attendre la mort et s'attendre à la mort. Il décrit un certain rapport au temps. Il s'agit de Sartre. Et tout ce que vous avez dit depuis le début de cette émission, Laure Barrias, on pourrait se demander, mais finalement, ça s'applique à Sartre. Dire que le devenir est plus important que l'être. Sartre emploie la formule, hein, l'existence précède l'essence. Comme si, finalement, ce qui était incarné en mouvement perpétuel, ce projet dont vous parliez, était plus réel et plus important que l'être dont on se fait une idée métaphysique figée. Ouais. Alors je vous propose qu'on écoute le texte et puis vous nous direz ensuite en quel sens est-ce qu'il se distingue de Jankélévitch. Avec plaisir. La mort ne saurait aucunement être attendue si elle n'est pas très précisément désignée comme ma condamnation à mort. L'exécution qui aura lieu dans 8 jours, l'issue de ma maladie que je sais prochaine et brutale, car elle n'est autre que la révélation de l'absurdité de toute attente, fut-elle justement de son attente. En premier lieu, il faudrait distinguer soigneusement 2 sens du verbe « attendre » qu'on a continué de confondre. S'attendre à la mort n'est pas attendre la mort. Je peux attendre l'arrivée du train de Chartres, parce que je sais qu'il a quitté la gare de Chartres et que chaque tour de roue le rapproche de la gare de Paris. Certes, il peut prendre du retard, un accident peut même se produire, mais il n'en demeure pas moins que le processus lui-même, par lequel l'entrée en gare se réalisera, est en cours. Et les phénomènes qui peuvent retarder ou supprimer cette entrée en gare signifient seulement ici que le processus n'est qu'un système relativement clos, relativement isolé. Aussi puis-je dire que j'attends Pierre et que je m'attends à ce que son train ait du retard. Mais précisément, la possibilité de ma mort signifie seulement que je ne suis biologiquement qu'un système relativement clos, relativement isolé. Elle marque seulement l'appartenance de mon corps à la totalité des existants. Elle est du type du retard probable des trains, non du temps de l'arrivée de Pierre. Elle est du côté de l'empêchement imprévu, inattendu, dont il faut toujours tenir compte en lui conservant son caractère spécifique d'inattendu, mais qu'on ne peut attendre, car il se perd de lui-même dans l'indéterminé. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, le texte de Jean-Paul Sartre, tiré de L'être et le néant, écrit en 1943. Sartre est quand même contemporain de Jankélévitch. Dans ce texte, Laure Barrias, il semble reprendre à son compte les analyses de Jankélévitch, y compris son goût pour les exemples impliquant un train et l'attente de quelqu'un qui arrive par train et de l'ouest de la France. Alors quelles sont les similitudes entre Sartre et Jankélévitch ? J'imagine qu'elles sont quand même moins fortes que ce que ce texte laisse penser. Oui, alors elles ne sont pas évidentes. Je pense que l'un et l'autre seraient très rétifs à des comparaisons, des mises en parallèle de leur philosophie. On va dire que c'est une coexistence qui est à peine pacifique entre les deux. Donc effectivement, à ce point. Ouais, vraiment, il y a pas mal de textes de Jankélévitch dans lesquels il s'en prend à Sartre, alors toujours de manière détournée, hein, mais en reprochant voilà à Sartre d'utiliser, de manier le concept d'engagement simplement dans ses traités philosophiques et pas dans son existence. Donc voilà. Donc c'est politiquement qu'il lui fait des reproches. Politiquement, plus que sur la philosophie. Et c'est aussi philosophiquement, il reproche par exemple à Sartre et à toute la génération des phénoménologues de l'après-guerre d'avoir en fait oublié Bergson et d'avoir fait mine en fait d'inventer quelque chose que Bergson avait déjà proposé en fait. Donc c'est voilà un des reproches parmi les nombreux reproches qu'il pouvait adresser à Sartre. Mais effectivement, il y a des convergences qui sont tout à fait intéressantes entre leurs philosophies. Et la première serait peut-être en fait justement cette critique de l'être. Tous les deux en fait constituent des philosophies dans lesquelles ils vont penser des alternatives finalement à une philosophie, à une morale de l'être. Et donc en fait, dans le texte qu'on a entendu, il y a effectivement quelque chose de très intéressant dans la distinction que Sartre établit entre attendre quelque chose et s'attendre à quelque chose. En fait, pour Sartre, attendre quelque chose, et toujours l'attente, c'est toujours un concept déterminé. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on ne peut pas s'attendre à quelque chose d'indéterminé. Si on attend quelque chose, c'est qu'on attend quelque chose de précis. Comme par exemple, en fait, pour Sartre, on ne peut seul en fait, le condamné à mort ou le malade en fin de vie attendre leur mort. Nous, dans notre vie de tous les jours, on n'attend pas la mort, parce que justement, on ne sait pas quand elle va arriver. On s'attend à la mort, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle va arriver, mais on ne sait pas quand. Et donc finalement, entre cette distinction entre attendre quelque chose et s'attendre à quelque chose, c'est-à-dire attendre quelque chose de précis et s'attendre au fait de quelque chose, on retrouve finalement la distinction de manière très surprenante qu'établit Jankélévitch entre l'attente de la mort, qui est à la fois le fait de la mort qui est certain, mais la date de la mort qui est incertaine. Donc finalement, on retrouve vraiment cette ambiguïté, enfin c'est pas une ambiguïté, cette oscillation qui fait en fait l'attente. D'un côté, la certitude que l'on va mourir, mais de l'autre, l'incertitude précise, enfin du moment précis où on va mourir. Oui, c'est ce que dit Sartre. Il faut distinguer soigneusement deux sens du verbe attendre, qu'on a continué de confondre. S'attendre à la mort n'est pas attendre la mort, et là il prend l'exemple du train, mais c'est dire qu'en fait c'est pas juste deux attitudes différentes, c'est dans l'attente il y a souvent cette ambivalence même. Oui, tout à fait, absolument. C'est que par exemple quand un hypochondriaque qui se croit en danger de mort, lui il attend sa mort, alors qu'en réalité il ne fait que s'attendre à la mort. Donc effectivement dans notre existence c'est des entrelacs de ces deux modalités de l'attente en permanence qui se mélangent. Par exemple pour Jankélévitch en fait, et pour Sartre, c'est ça aussi qui est assez fort, c'est que finalement nos existences ne sont qu'une attente, mais pas une attente du tout au sens passif. Jankélévitch comme Sartre sont des grands philosophes de la liberté et de l'action, mais finalement quand on n'attend plus, c'est qu'en fait on existe à peine. C'est-à-dire que par exemple pour Jankélévitch, les seuls moments dans l'existence où on n'attend plus, en fait c'est dans l'ennui. Et c'est dans le désespoir. Dans le désespoir, on n'attend plus rien. Dans l'ennui, on n'attend plus rien. Ou alors, on attend que quelque chose reprenne, mais qui ne veut pas reprendre. Donc, on attend un temps qui est complètement enrayé. Mais encore une fois, là, on n'attend rien. Alors que, par exemple, dans l'angoisse, on est en fait dans une oscillation entre le désespoir et l'espoir. Hmm. En fait, tant qu'il y a du mouvement, il y a de l'existence, en gros, chez Jankélévitch. Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Et en fait, l'attente, c'est justement ce rapport au temps qui est en mouvement perpétuel. Quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien à attendre. Pour un condamné à mort, pour un malade en fin de vie vraiment imminent, justement, il n'y a plus rien à attendre. Ou alors, il y a justement simplement le moment de la mort qui vient. Et ça, justement, finalement, ce n'est pas vraiment une attente, en fait. Ce n'est pas s'attendre à quelque chose, c'est vraiment le temps qui nous est imposé, c'est le temps nu, c'est un temps qui ne nous appartient plus. Et j'imagine que Jankélévitch ne pense pas à un au-delà de la mort. La mort est le terme absolu de notre existence. Ouais. Alors oui, en fait, justement, la façon dont... On pourrait attendre autre chose. Alors, c'est compliqué, ouais. Oui. Par exemple, dans le texte La mort, effectivement, la mort, c'est vraiment l'annihilation. Il n'y a plus rien, c'est la fin. Après, dans d'autres textes, effectivement, il y a quand même la possibilité d'une eschatologie. Il y a la possibilité, effectivement, par exemple, dans L'espérance et la fin des temps, il y a effectivement la possibilité, par rapport pour le coup à la religion, d'avoir un rapport au temps qui ne serait pas simplement celui borné de l'existence, ou pas celui de la demi-ouverture, mais qui serait un temps ouvert sur quelque chose après, ouais. Mais est-ce qu'on peut penser la manière qu'il a d'investir la création de soi et la création artistique et musicale en particulier comme une manière de conjurer la finitude ? Finalement, écrire, créer, composer une musique, c'est quelque part déjouer cette mort qui va certes m'annihiler en tant que corps et en tant que personne, mais va permettre à une partie de moi de continuer à exister après. Oui, tout à fait. Effectivement, l'œuvre va me survivre. Mais tout à fait, c'est une façon en tout cas de passionner l'existence, de donner au temps une signification qui est toujours à venir. En fait, c'est aussi pour ça que la musique est finalement l'art qui est le plus cher à Jean Kelevitch. Oui, dites-nous pourquoi. Oui. Alors, je suis pas musicienne ni spécialiste, mais je peux essayer. Ouais. En fait, la musique, c'est un art qui est perpétuellement en mouvement. En fait, justement, la musique, elle est pas dans la partition. Elle est dans l'exécution, et l'exécution, elle est toujours différente. Quelle que soit la personne qui l'exécute, en fait, on va avoir une variation, une œuvre différente, en fait. Alors qu'effectivement, le tableau, la sculpture est beaucoup plus figée. Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement, en fait. Évidemment, il y a du mouvement dans la perception, dans le sentiment esthétique, dans l'expérience esthétique. Mais le mouvement est présent même dans la matière même de la musique, en fait. Ce qui fait qu'effectivement, pour Jean Kelevitch, c'est l'art suprême. Mais dans quelle mesure est-ce que l'attitude que nous adoptons face à l'existence et à la mort relève d'un choix ? Parce que quand on lit Jean Kelevitch et qu'on vous entend en parler, on se dit mais oui, saisissons chaque instant, soyons conscients de notre mort, mais ne nous gâchons pas la vie à l'attendre, à la redouter. Mais en fait, il y a quand même une part irréductible du caractère qui fait que peut-être que certains sont plus optimistes que pessimistes et peut-être que certains ne peuvent pas sortir du désespoir ou que les conditions d'existence font que on ne peut pas avoir cette passion vis-à-vis de la vie que Jean Kelevitch nous encourage à avoir. Oui, est-ce qu'il le pense ça, Jean Kelevitch ? Alors, il y a sûrement une part de tempérament, mais je pense qu'il y a aussi véritablement une part d'attitude philosophique, en fait, d'attitude vraiment existentielle ou qui est un choix, en fait, que chacun peut faire de soi-même à chaque instant. Donc il y a un choix quand même. Oui, je crois que vraiment l'aventure, c'est un choix. D'ailleurs, c'est très surprenant. Hein, parce que l'aventure, on se dit, c'est quand même ce qui nous tombe dessus. Mais en fait, non. Il y a quand même un moment initial où, au minimum, on abonde. C'est un terme que Jean Kelevitch utilise souvent. Au minimum, on abonde dans le sens du temps. Il faut quand même consentir. Donc, effectivement, il y a quand même une part qui est déterminée. Je ne peux pas tout à fait inventer une aventure depuis mon bureau, sans fenêtre, sans personne. Mais je peux quand même passionner mon temps, mon existence. Effectivement, il faut toujours que ce soit dans un rapport à l'autre, dans une relation avec autrui. Mais il y a quand même une dimension d'initiative. C'est pour ça que la reprise, le recommencement est extrêmement important chez Jean Kelevitch. C'est-à-dire que ce n'est pas une philosophie qui ignore le découragement. C'est une philosophie qui est très sensible effectivement au découragement perpétuel, mais qui propose en même temps de ce découragement la reprise. Il faut en permanence recommencer. Dans l'action morale, c'est exactement ça en fait. L'action morale est toujours à refaire, toujours à reprendre, parce que justement, on ne peut pas accéder à un être qui serait figé, il faut au contraire le reprendre. Et donc finalement, moi je pense que c'est quand même effectivement, il y a tout à fait une part de tempérament, hein. Certains vont être plus enclins à l'optimisme que d'autres, mais il y a quand même une dimension qui est à la disposition de notre volonté et de notre liberté. Et qui s'enseigne, le professeur de philosophie qui était Jean Kelevitch pensait que c'était aussi de son métier, de sa mission, que d'enseigner à ses élèves, ouais, que ce choix était possible. Absolument. Alors, c'est vraiment, ça fait partie des philosophes qui ne disent, enfin, pour lesquels l'enseignement était vraiment une dimension fondamentale de la philosophie. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans la constitution de son œuvre même, c'est-à-dire que beaucoup de ce qui est devenu ensuite un traité était au départ un cours qu'il avait donné à ses étudiants quelques années auparavant. Donc effectivement, ça se nourrit tout à fait. Et je crois effectivement que c'est une philosophie qui avait des effets assez puissant. On l'entend d'ailleurs quand on l'écoute. Il y a quelque chose effectivement d'entraînant, de passionnant, d'enthousiasmant dans sa voix. Alors moi, j'ai pas assisté à ses cours, mais j'imagine tout à fait que ça peut avoir des effets existentiels très forts. Alors un dernier point abordé ensemble, Laure Barillas, puisque nous avons abordé la question morale. Vous avez répété effectivement que pour agir moralement, on doit sans cesse recommencer, l'importance de la reprise. La morale, c'est pas simplement une action individuelle, c'est parfois une action collective qui implique de longues discussions, de longues délibérations. Vous parlez en plus de l'éthique et des questions de fin de vie, etc. Les décisions morales à l'échelle humaine et souvent collective prennent du temps. Dans quelle mesure est-ce que c'est compatible avec le choix dont vous parlez? Je vous propose qu'on écoute un extrait plutôt comique dans la veine de Jean Kielevitch, hein, qui imaginait tous les rois de Grande-Bretagne qui se réunissent à la demande du roi. C'est une réunion qui ennuie tout le monde. Il y a un sujet à l'ordre du jour que personne ne veut aborder et chacun essaye finalement de retarder au maximum le moment où on délibère. Écoutez, c'est un extrait de la série Kaamelott. Bon, eh bien la troisième assemblée des rois va pouvoir débuter. Aujourd'hui, Kaamelott est très fier d'accueillir les souverains du royaume de l'Ogre. Seigneur Hoël d'Armorique, le seigneur Calogrenant de Calédonie, le seigneur Ketchatar d'Irlande, le seigneur Lot d'Orcanie, tous venus en paix dans l'obéissance au Graal et à la mémoire du terre Pendragon. Et moi je pue des pieds. Ah non, mais là, non, ça va pas commencer. Vos pères... Non, mais causez entre vous, je prépare le casse-dalle, moi. Mais pour Dieu, on est ensemble depuis ce matin, j'ai pas pensé vous présenter. Il va falloir faire un petit effort, hein, c'est pas possible. Non, mais moi, si ça démarre comme ça, je remonte sur mon canasson et je rentre en Orcanie. Au bout d'un moment... Non, mais c'est bon. Écoutez, là, ça va. Alors, Kaamelott, aujourd'hui, est extrêmement fier d'accueillir le seigneur Léodagan de Carmélite. Voilà. Crache ici les deux tiers de l'année, mais sinon, on est hyper fier. Non, c'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, ben moi, je m'en vais. Faut surtout pas prendre parti. Écoutez, ça va. C'est bon, ça va. C'est calmé, c'est fini. On va pouvoir reprendre depuis le début. On sort farcier de toutes les présentations? Non. Que si on se connaissait pas. On pourrait pas attaquer directement dans le vif du sujet? Tempora mundis recorda. Voilà. Eh ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Et j'ai jamais foutu les pieds dans une salle de classe, attention. Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je vois de ça à personne. Attendez. Les mômes, maintenant, ils lisent. Et résultat, ils sont encore puceaux à 10 ans. Quand les Saxons vont débarouler dans le jardin, on sera bien content que les gars sachent lire. Ils pourront réciter du grec. Non mais attendez, là, ça devient n'importe quoi. Et puis merde, à la fin, je vous demande pas votre avis. Vous dites faire comme ça, vous faites comme ça, et puis c'est tout. Ah ben voilà, c'est la crise d'autorité. Ah, c'est bien la peine de faire des rayons de trois plombes pour en arriver là. Exactement, et pourtant ces réunions de trois plombes, hein, comme le dit le personnage de Kaamelott, sont absolument indispensables à la vie en société, leur barrière, tout ça pour interroger finalement la prise en compte des conditions réelles de délibération. Alors là c'est une réunion, mais enfin bon quand même, c'est souvent ça, quand on agit, quand on doit consulter les autres, ça prend un temps infini, on attend justement sans doute rien, on ne sait pas ce qu'on attend et rien ne se passe. Cette dimension de l'existence, elle est bien réelle. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, un des grands principes de l'éthique de Jean Kielevitch, c'est de dire le bien n'est jamais fait, il est toujours à refaire. Et le deuxième grand principe, c'est de dire qu'en fait, le bien est à faire séance tenante. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'action morale, c'est l'action qu'on doit faire séance tenante, immédiatement. Il ne doit pas y avoir de délai, en fait. Mais oui, mais justement, c'est impossible, c'est ce que nous dit cet extrait. Alors, c'est la difficulté de la morale de Jean Kielevitch, tout à fait. C'est pour ça que c'est une éthique qui est très difficile, qui est très exigeante. Mais là, disons que là, ce serait un petit peu, en fait, une délibération dont les enjeux moraux, alors, sont pas forcément évidents. Non, l'enjeu moral peut-être pas, mais par contre, on a bien l'inutilité des délibérations. C'est que finalement, dès qu'on commence à trop en discuter, il ne se passe plus rien. Oui, en fait. Ça donne raison à Jean Kielevitch. Tout à fait. En fait, là, l'idée, c'est que délibérer, c'est gagner du temps, en fait. Délibérer, c'est temporiser. Et temporiser, Jean Kielevitch le définit comme créer du temps. Donc, on crée du temps, justement, pour se soustraire à l'action, pour ne pas avoir à agir, alors qu'on sait très bien, globalement, ce qu'il faut faire. Quand c'est une action morale exigeante, on sait ce qu'il faut faire et il faut le faire tout de suite. Quand on commence à dire, il faudrait que je le fasse pour telle ou telle raison, qu'on commence à chercher des raisons, c'est qu'en fait, fondamentalement, on ne veut pas le faire. C'est qu'il y a de la mauvaise volonté, en fait, derrière. Donc, en fait, les réunions interminables auxquelles nous assistons tous, ce sont des moyens de ne pas agir. Ah, probablement, j'en doute pas. Souvent, je pense que c'est ça, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, il y a l'idée que c'est de gagner l'accord de tous, mais en réalité, c'est souvent aussi gagner du temps pour ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire, ce qui coûte de l'argent, ce qui demande du temps, ce qui va fâcher les uns et les autres. Donc, effectivement, délayer, reporter le moment de l'action, c'est souvent, effectivement, une stratégie, une ruse de la mauvaise volonté pour ne pas faire ce qui doit être fait. Alors, il y a un domaine où ça pose forcément problème, c'est celui de la politique. Oui, tout à fait. Est-ce que Jean Kielevitch pense? Alors, c'est une question qui est souvent posée à sa philosophie parce qu'en fait, Jean Kielevitch ne sépare pas en tant que tel la philosophie politique de la philosophie morale. C'est-à-dire que même des questions éminemment politiques, comme par exemple celle du pardon des crimes nazis, sont posées en fait dans un cadre tout à fait moral. Donc en fait, c'est vraiment une philosophie qui ne distingue pas véritablement l'action politique de l'action morale. Et c'est effectivement un des reproches qu'on lui a souvent adressé en disant mais finalement, cette philosophie morale, elle est à destination d'un sujet en fait, d'un sujet qui peut agir par... seul, en fait. C'est toujours. C'est une morale individuelle. C'est une morale individuelle, effectivement. Enfin, c'est agir, séance tenante, mais quand on est seul à agir. Quand on est effectivement une assemblée, ça devient beaucoup plus compliqué. Et effectivement, c'est je pense, effectivement, un des problèmes, une des questions qu'il faut poser à son œuvre. Même en termes de représentativité au sein de la démocratie, quand on doit agir, si politique et morale sont indissociables, comment un gouvernant peut-il agir immédiatement au nom du bien de tous ? Non, ça, c'est pas possible. Là, on vire à l'autocratie. Là, pour le coup, ça devient très dangereux. Donc, effectivement, c'est peut-être un des domaines que son œuvre a finalement abordé simplement dans le versant moral et qui manque peut-être de quelque chose. Ouais. Or, il n'y a pas deux solutions, écrit Jean Kelevitch. Nous devons non pas rendre le temps insensible et glissant, c'est-à-dire le gaspiller gaiement, mais en approfondir l'intensité et toute la plénitude. Creuser le plus qu'il se pourra jusqu'à ce fond dont il n'y a plus rien à raconter parce qu'il ne s'y passe plus rien. Nous extrairons de la durée tout le rendement qu'il est possible d'en extraire. Et faute d'ubiquité et d'instantanéité, on recourt au passe-temps stupide et l'on bourre les heures creuses avec des parties de cartes et des amusements futiles. Alors que la durée elle-même a des ressources insoupçonnées, encore faut-il que nous daignions prêter attention à ces ressources. Et si nous essayions de passionner notre attente ? Détente de la gare de Nantes, j'attends. Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en chialant. Qu'est-ce que je donnerais Vous aviez toute dernière précision à apporter, Laure Barrias. Oui, merci, parce que Jean Kelevitch est le philosophe de la mauvaise conscience, et moi aussi j'ai mauvaise conscience de ne pas avoir mentionné qu'il s'est quand même engagé beaucoup politiquement dans son existence et à titre individuel aussi, donc voilà, je voulais le rappeler. Merci, et de vous, on pourra lire bientôt la préface au Pardon de Vladimir Jean Kelevitch. C'est un texte qu'il a écrit et qui reprendra les enjeux que nous venons de déployer ensemble, en tout cas à la fin de cette émission. Et je renvoie aussi à l'aventure L'ennui, le sérieux de Jean Kelevitch, qui reprend beaucoup des thèmes que nous avons dépliés aujourd'hui, et l'attente en est un thème central. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo après quelques notes de cette magnifique chanson de Jacques Higelin. Ces lèvres gourmandes m'invitent à en prendre avec elles. Rien qu'une cuillère avant que sa grand-mère reviennent. Le journal de la philo d'Anastasia Colosimo, c'est tout de suite. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pour celui qui fait profession de réfléchir, même à une échelle modeste, l'actualité est toujours un casse-tête. La réflexion sous toutes ses formes prend du temps et elle demande, dans une certaine mesure, de se retirer du monde, du fameux terrain, pour échapper à l'immédiat et pour essayer de mettre en forme les intuitions brutes que l'on croit avoir. L'actualité, elle, prend le visage de l'événement. Elle est immédiate, surprenante, demande une réaction rapide et elle ne ressemble à rien de ce qu'on n'a jamais connu précédemment. Que faire dans cette situation ? Une première solution est de demander aux sciences sociales de nous éclairer sur ce qui se passe. Ce sont les sondages, les statistiques, les enquêtes d'opinion, le travail de terrain qui nous aideront à comprendre l'événement. Autre solution possible, se tourner vers l'histoire et chercher si dans le passé se sont produits des événements ressemblant suffisamment au présent pour qu'ils nous aident à comprendre celui-ci, ou au moins à le comprendre par différence, ce en quoi le présent n'est pas le passé. C'est la piste que nous avons pu ici suivre en réfléchissant au mouvement des Gilets jaunes à partir de comparaisons avec la révolution de 1848 et les analyses de Tocqueville ou à l'histoire des luttes de classe en Europe. Une troisième piste, qu'on pourrait croire absurde au premier abord, consiste à se tourner vers les grands auteurs du passé et à les lire en se disant que les problèmes que nous rencontrons ne sont pas fondamentalement différents de ceux que ces grands esprits ont affrontés. C'est ce qui nous a amené, pour ce journal de la philosophie, à nous tourner vers le célèbre Prince de Machiavel. Ce livre paru en 1532 à Florence et sur lequel existent encore aujourd'hui de nombreux malentendus est le livre fondateur de la philosophie politique moderne, lors même que son statut philosophique n'est pas assuré. Le Prince se présente comme un livre de circonstances et comme une sorte de manuel de stratégie, plus que comme un livre de philosophie. Et pourtant, il a représenté un tournant décisif dans l'histoire de la philosophie politique par sa conception réaliste et pessimiste de la nature humaine et par sa croyance dans la toute-puissance de l'action. Le Prince, que présente Machiavel, peut se rendre maître de la fortune, reconstruire le réel, lui donner la forme qu'il désire. De même que pour la science moderne qui naît à la même époque, la nature peut désormais être conquise et domestiquée par la technique. C'est donc une rupture philosophique que ce livre, apparemment non philosophique, a opérée. Et qu'est-ce que Machiavel peut nous apprendre alors sur les événements d'aujourd'hui ? Eh bien voilà, essayons de prendre Machiavel au sérieux et de considérer que ce qu'il dit de l'Italie du XVIe siècle est valable pour tous les temps et tous les lieux, partout où il y a des hommes qui vivent ensemble dans des regroupements politiques. Ces regroupements politiques, les Grecs les appelaient des cités, et Machiavel continue d'utiliser ce terme. Dans l'Europe contemporaine, les États-nations sont la forme qu'ont prise ces cités. Or, pour Machiavel, dans toute cité, on retrouve une polarité fondamentale entre ce qu'il appelle le peuple et les grands. Chacune de ces deux entités, le grand nombre et le petit nombre, est définie par une passion fondamentale, un désir, ce que Machiavel, en médecin de la politique, appelle des humeurs. En effet, écrit-il au chapitre 9 du Prince, dans toute cité, on trouve ces deux humeurs différentes. Et cela naît de ce que le peuple désire ne pas être commandé ni écrasé par les grands, et que les grands désire commander et écraser le peuple. Et de ces deux appétits différents, naît dans la cité un de ces trois effets, ou le principat, ou la liberté, ou la licence. Fin de citation. Le peuple, parce qu'il n'a rien, est poussé surtout par la volonté de ne pas se faire opprimer. Les grands, parce qu'ils ont des possessions, ont en eux la tentation bien humaine de l'abus de pouvoir. Le peuple a pour lui le nombre et peut-être une menace pour les grands s'ils se révoltent contre lui. Les grands ont pour eux les biens et sont naturellement une menace pour le peuple. Le prince, lui, est dans une situation d'équilibriste à l'égard de ces deux humeurs fondamentales. S'il favorise une de ces deux parties, il peut s'attirer l'inimitié de l'autre. Les grands peuvent comploter contre lui, ce qui est arrivé à César par exemple, le peuple, lui, peut se révolter. Mais alors, que faire, Anastasia ? Eh bien, pour Machiavel, la réponse est claire. Il est bien plus important pour un prince de s'assurer l'amitié du peuple que celle des grands. Ceux-ci osent moins comploter contre un prince populaire. Voilà pourquoi Machiavel écrit que le but du prince doit être, je cite, « de satisfaire le peuple et de le tenir content sans trop chagriner les grands ». Être aimé des grands et mal aimé du peuple, c'est au contraire une situation beaucoup plus risquée pour le prince. Je cite à nouveau. Celui qui devient prince par la faveur du peuple doit travailler à conserver son amitié, ce qui est facile puisque le peuple ne demande rien de plus que de n'être point opprimé. Quant à celui qui le devient par la faveur des grands, contre la volonté du peuple, il doit, avant toute chose, chercher à se l'attacher. Et cela est facile encore, puisqu'il lui suffit de le prendre sous sa protection. Alors même, le peuple lui deviendra plus soumis et plus dévoué que si la principauté avait été obtenue par sa faveur. Voilà de quoi méditer pour les princes d'aujourd'hui. C'est votre conseil à Emmanuel Macron ? Je n'ai pas dit ça, non, pas du tout, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Non, aucune idée. En tout cas, chaque auditeur pourra se faire sa propre idée en réécoutant votre chronique sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine avec aujourd'hui à la prise de son Amine El-Mansari. Et c'était Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur l'attente. Demain, nous attendrons Godot de Samuel Beckett en compagnie de Bruno Clément. Ça risque de durer longtemps, mais ce sera passionnant. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur Jean Kelevitch, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h précise. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.